trop rancunier. Va se faire enculer, je viens d'un bled où c'est la guerre. Vas-y, fuck ma gueule, viens pas me casser les boules. Dans mon quartier c'est plus simple trouver un gun que du taf, alors me pousse pas à bout. Mes potes, ma couille gauche et droite, je me fais justice seul. Jamais tu me verras composer le 17. Je peux pas chialer chez les keufs alors que je leur souhaite la mort. Je suis trop vrai de façon, je leur souhaite la mort. On peut pas être potes, ça ils le savent, c'est logique, j'aime l'argent sale. Fuck les stars, même son pire ennemi on le balance up. C'est le code de l'honneur qui le dit. Moi je suis pas un bad boy, que ceux qui veulent mettre ma daronne en deuil. À un moment ou un autre, sache que tu es ou mourir, chez moi y'a pas photo. Laisse SOS racisme, avec mon coup de queue de nègre, Marine Le Pen deviendra socialiste. Je compte que sur ma gueule et ma thune négro. À garde du corps ça coûte cher, dis au CSA, je suis la réincarnation de coup de chaîne. Nique ta mère, rouilla. Je viens chercher ma vie, fais le bien mon pote, je reviendrai avec un pont. Je suis pas chaud, ni une balle tringue, je recule hap. Je demande à Dieu des explications, il me calcule hap. Les amis, zobi, je suis le fantôme d'un esclave à Babylone. Sa mère, la plus noire, scène du cul jusqu'en 2005. Ça vient du cœur, ça m'accoule, j'ai le nerf cousin. Vas-y prends mon insoumission aux flics, aux contrôleurs, aux fisc. Comme une revanche de fils, d'esclaves en colère. J'suis pas raciste, ça me chauffe. L'opération licorne, niquer l'armée ivoirienne en 2-4-6. Ma gueule, dis au CSA que ma musique donne à réfléchir. Et que j'aime pas tuer Marie Trintignant. Faut que je dévoile la honte des noirs. De la ferme, célébrité, ma couille. Boum boum sur Vincent McDoom. Appelle ça de la violence gratuite. Pourquoi les et les font plus de thunes. J'suis Dieu donné en plus foncé. Avec 15 piges en moi, j'suis pas antisémite. Juste un peu trop amer. Un peu jaloux, des traitements de faveur. En fait, sans respect, genre, il a pas de saveur. Après les juges et Al-Qaïda, j'suis un cauchemar pour Chirac. J'suis insoumis, je lui demande pas son aide. J'aime la France, j'plaide le crime passionnel. J'suis l'enfant seul, Oxmo, j'trouve pas le sommeil. Les entreprises veulent pas m'aider à niquer la misère. Ils ferment les yeux sur ça, ce qu'on a du commissaire. Self-défense, vaut mieux être seul que mal accompagné, ma gueule. Je compte que sur ma gueule et ma thune négro. À garde du corps ça coûte cher, dis au CSA. Je suis la réincarnation de coup de chaîne. Nique ta mère, rouilla. Je viens chercher ma vie, fais le bien mon pote. Je reviendrai avec un pont. Je suis pas chaud, ni une balle tringue. Je recule hap, je demande à Dieu des explications, il me calcule hap. Les amis, zobi, je suis le fantôme d'un esclave à Babylone. Sa mère, la pute. L'amitié, la chatte à sa mère. Chaque semaine, elle me confirme qu'ici bas c'est chaque à sa mère. Ça t'enrage d'être seul contre le monde. J'ai que mon soutien à moi, celui de ma mère en complément. Sur 1000 policiers, y'en a que 2 ou 3 qui aimeraient me voir m'en sortir. Le reste peuvent pas me sentir. Pour ça qu'on veille à notre sécurité avec Dieu. On arrache les S sur les torses des îlotiers. Quand y'a bagarre en jeune de test, ils font comme dans les films. Ils arrivent tard, souvent après un décès. Tu veux faire du droit? Tu veux être diplômé de l'ENA pour aller délivrer ton pays plus tard au noir. Je te le déconseille, entre les coups d'état et les pillages, on va te faire sauter la cervelle à la Kabila. Conclusion, pense à ta gueule, mène tes propres guerres, nique la terre entière.